Bonjour, j'espère que vous avez passé une nuit agréable. Félicitez-vous de commencer cette journée en pleine conscience, en prenant le temps de vous réveiller sans vous brusquer. Ce matin, je vous propose de ramener en douceur votre esprit dans votre corps pour leur permettre de s'éveiller au même rythme. Vous êtes confortablement allongé dans votre lit, bien au chaud, bien calé, les bras le long du corps. Si vous avez peur de vous rendormir, pliez simplement les deux jambes. Avec curiosité et bienveillance, observez tout ce qui est présent en vous maintenant. Quelle est votre météo intérieure? Les pensées commencent peut-être déjà à fuser dans votre esprit. Vos rendez-vous, vos obligations, votre planning de la journée. Laissez tout cela défiler sans vous y accrocher. Chaque chose en son temps et cet instant est consacré à votre réveil. Respirez simplement profondément par le nez. Et soufflez longuement par la bouche. Pensez à bien gonfler votre ventre. C'est très bien. Lorsque vous vous sentirez prêt, je vous invite à poser votre regard intérieur sur votre corps et à balayer toutes les zones de contact avec votre lit. Commencez par l'arrière de votre tête. L'arrière de vos épaules, l'arrière de vos bras, votre dos, vos fesses, vos jambes et enfin l'arrière de vos talons ou la plante de vos pieds. Prenez le temps d'observer ces sensations de contact avec votre corps, sans essayer de vous détendre ou de vous forcer pour ressentir obligatoirement quelque chose. Il s'agit dans cette méditation d'observer et de recueillir les sensations et les informations qui sont présentes ou pas. Si vous ne ressentez rien de particulier, notez simplement « je ne ressens rien ici » et poursuivez. Dirigez désormais votre attention comme vous le feriez avec un projecteur et balayez mentalement votre pied gauche. Imaginez-le passer comme au travers d'un scanner et remonter le long de votre jambe gauche. Au passage, notez mentalement les tensions, les picotements ou l'absence de toute sensation. Bougez doucement vos orteils, votre cheville, et tendez votre jambe quelques instants. Profitez de la chaleur qui se diffuse alors dans vos muscles. Et relâchez. Prenez un moment pour comparer les sensations de la jambe gauche et de la jambe droite. Peut-être que l'une des deux vous paraît plus légère ou plus détendue. Désormais, posez votre attention sur votre pied droit. Comme pour le gauche, remontez lentement le long de votre jambe en essayant de garder la même attention consciente. Activez vos orteils, votre cheville droite et tendez également la jambe, puis relâchez. Prenez un instant pour mettre en conscience vos sensations et pensez à respirer profondément. Pointez désormais vos pieds vers le mur face à vous et sentez comme vos muscles créent cette énergie qui se diffuse dans toute la partie inférieure de votre corps. Vos jambes sont prêtes à vous porter où que vous le leur demanderez aujourd'hui. Elles sont parfaitement éveillées. Dirigez désormais votre attention sur vos mains. Posez le long du corps, notez les sensations qui les animent. Sont-elles engourdies, bouillantes ou simplement totalement absentes de votre champ de conscience? Activez votre scanner intérieur pour les faire remonter le long de vos bras. Bougez légèrement les doigts, puis les poignets, et fermez vos poings quelques instants en contractant les bras. Relâchez. La même énergie chaleureuse traverse vos bras désormais. Elle alimente vos muscles et prépare votre corps à se mettre en mouvement pour vous accompagner aujourd'hui. Prenez un instant pour mettre en conscience vos sensations et n'oubliez pas de respirer profondément. Poursuivons et posez votre attention sur votre tête désormais. Laissez votre regard intérieur caresser votre cuir chevelu, votre front, votre visage. Appréhendez le poids de votre tête sur l'oreiller. Descendez le long de votre nuque. Basculez légèrement la tête en arrière en dressant votre menton vers le plafond. Et prenez une grande inspiration avant de tourner lentement la tête vers la droite. Puis vers la gauche. Ne forcez surtout pas sur vos muscles. Effectuez vos mouvements en conscience autant de fois que vous le désirez. Laissez votre scanner descendre le long de votre buste, puis de votre ventre. Accueillez toutes les sensations présentes ici, dans le centre de vos émotions. Votre corps entier est désormais éveillé. Et juste avant de vous lever, prenez un moment pour poser une intention claire sur votre journée. Respirez profondément avec cette pensée positive qui va occuper chacune de vos cellules aujourd'hui. Vous êtes prêt à commencer votre journée en pleine forme et en pleine conscience. Lorsque la cloche retentira, prenez un instant pour vous étirer comme un chat. Puis ouvrez doucement les yeux pour accueillir ce que le monde a à vous offrir aujourd'hui. Très belle journée à vous et à ce soir.